L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Keirouga. Bonjour Colline Kobayashi. Bonjour. On est avec vous aujourd'hui pour parler du post-Fukushima. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon ? Vous êtes vous-même japonais, journaliste. Depuis 7 ans, c'est quand même longues années. La situation ne change pas tellement. La situation sociale, évidemment, ça se dégrade. Et puis l'opinion générale des Japonais, le peuple japonais, il s'est évidemment basculé pour dire non au nucléaire. Donc la majorité, la grande majorité des Japonais, ils sont pour sortir du nucléaire après cette catastrophe. Et puis on a toujours beaucoup de séismes et de tremblements, pas forcément avec tsunami toujours, mais presque tous les jours, on sent des séismes qui arrivent. Et actuellement, les spécialistes disent qu'on est dans la période très active, surtout sur la côte de l'océan Pacifique. Ça bouge beaucoup, magnitude 5,7, ça arrive très souvent, donc c'est inquiétant. Et à cause de ça, la majorité des Japonais, ils veulent sortir du nucléaire, mais ils s'inquiètent aussi à cause de toutes les dégradations de l'économie mondiale. Si on change radicalement le système social, ils ont peur aussi qu'il y a des problèmes économiques. Donc ils sont de côté un peu hésitants, puisqu'il veut aller vers l'énergie renouvelable dans la vie quotidienne, mais en même temps, si ce système qui est installé depuis déjà presque 40 ans, quelle est la solution réelle pour maîtriser bien? Mais depuis 7 ans, il n'y a que 7 réacteurs qui ont été redémarrés sur 54 réacteurs. Et du coup, le nucléaire, ça a été la production énergétique majoritairement mise en avant et développée par le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, malgré le fait que le Japon ait déjà souffert de l'arme nucléaire. Oui, oui. Et puis, je crois qu'on a été un peu manipulé aussi, hein. Il y a des propagandes de la part des Américains, notamment après la déclaration à l'ONU, Eisenhower qui disait atomes pour la paix. Et puis il y a une grande campagne de ravage cerveau qui a été véhiculée par la direction de l'occupation américaine qui restait pendant 7 ans au Japon. Hein. Et donc beaucoup de choses qui a été imposées par les Américains. Les Japonais croyant et en souhaitant oublier l'atrocité de Hiroshima-Nagasaki, si l'atome pouvait nous aider pour la vie, pour la paix, etc. Donc on croyait que cette technologie pouvait servir pour la vie dans la paix. Donc c'est comme ça que les Japonais commençaient à croire que nucléaire civil pouvait apporter la richesse de la société économique, la richesse dans la vie, etc. Et puis finalement, donc, ils ont adapté, ils croyaient aussi le progrès scientifique de la technologie et sciences de nucléaire. Et évidemment, les opérateurs, ils n'ont jamais parlé de catastrophe ni d'un accident majeur. Donc, y compris Naoto Kan, qui est venu récemment en France, il croyait vraiment la technologie japonaise bien progressée et ne pouvait pas laisser faire un grand accident majeur. Donc Naoto Kan, c'était le premier ministre du Japon au moment de l'accident de Fukushima, donc le 11 mars 2011. Depuis cet accident, on s'est rendu compte que le nucléaire, ça coûtait extrêmement cher, notamment, bien sûr, en cas d'accident. Ça, là, en termes de coûts pour le Japon, ça a été énorme. Il faut dire d'abord que l'accident continue. Hein. L'accident continue, c'est pas terminé. Et l'accident continue, donc la catastrophe continue. On est toujours sous l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pollutions, notamment dans l'eau, dans l'air. Voilà, dans l'air, dans l'eau, et puis finalement donc ça pollue l'environnement, ça continue la pollution. On n'arrive pas à stopper complètement. Il y a des travaux de décontamination, mais le résultat c'est pas brillant, c'est-à-dire qu'il n'y a que 30-40% qu'on peut réduire. Mais on ne peut pas tout nettoyer, tout décontaminer, donc la radioactivité, évidemment, ça ne se disparaît pas comme ça, en brûlant ou en ramassant dans certaines zones, dans des sacs plastiques noirs, pour stocker, mais c'est la radioactivité elle-même, ça reste pour au moins 30 ans, césium pour la demi-vie, et ça continue une 100 ans, 200 ans, surtout s'il y a des arméthium, plutonium, strontium, qui ont beaucoup plus de vie. Et donc, la radioactivité, on ne peut pas réellement nettoyer, disons, façon nettoyer propre. Ouais, de toute façon, surtout si ça continue, donc notamment avec de l'eau qui continue de s'échapper dans l'océan, et puis des émanations donc de la centrale qui continue aussi dans l'air. C'est ça, mais on n'en parle pas. Donc évidemment, la radioactivité, comme tout le monde sait, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de douleur, rien. Direct. Avec nos cinq sens, on ne peut pas sentir la radioactivité. Donc souvent, un des habitants dans la zone contaminée, il disait, si la radioactivité a une couleur, personne ne reviendrait. Personne ne reviendrait. Parce que ça, c'est invisible. Donc, d'après la propagande pro-nucléaire du gouvernement actuel, qui disent que oui, on a nettoyé, puis... la radioactivité aérienne est baissée. C'est vrai que ça a baissé un peu, mais ça reste au sol. Alors la zone contaminée, ce n'est pas uniquement les 30 à 40 km de circonférence qui ont été évacués au moment de l'accident, c'est aussi tout le Japon et quelque part aussi la planète entière. Parce que c'est cette eau contaminée qui s'échappe, c'est des poissons contaminés qui après circulent dans tous les océans. Et pareil, on a vu au niveau de l'air, ça revient jusqu'en Europe. Bien sûr. Donc je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va continuer aussi, la fuite des eaux contaminées. Tant qu'on n'arrive pas à confiner le corium magma fondu dans 3 réacteurs, on ne peut pas faire un confinement parfait. Donc tant qu'on n'arrive pas à faire un confinement absolu, ben, ça continue à polluer puisqu'on doit faire froidir le corium encore des années. Et donc ça fuit. Donc évidemment, on dit que l'océan pouvait être contaminé, océan Pacifique et Atlantique pouvait être contaminé, surtout Atlantique, à partir de 4e année. Donc ça commence à être pollué aussi Atlantique. Mais évidemment, pour l'instant... La quantité d'eau est énorme, donc la dilution pouvait aider aussi pour effacer un peu la contamination. Mais si ça continue, évidemment, ça reste dans les sédiments, dans les poissons, dans tous les vivants. Bah, ils absorbent la radioactivité et ça se concentre dans leur corps. Donc il y a pas mal de biodiversité marine qui devait être très changée depuis 7 ans. Il doit avoir certaines études faites par des experts. On attend donc le résultat. Il faut étudier au moins 10 ans et ça va sûrement donner quelque chose de très négatif. Alors déjà, sur très proche de Fukushima, des scientifiques ont étudié des papillons mutants. Oui. Donc évidemment... la radioactivité déjà depuis l'accident de Tchernobyl ou de Sulima Island. Les biologistes experts radiobiologistes, ils ont beaucoup travaillé sur les animaux, sur les insectes. Ils ont bien constaté qu'il y a des malformations. Ces vivants ont été touchés sur les gènes. Donc les gènes transmettent en génération en génération. Si grand-père a été contaminé, pas forcément deuxième génération, mais troisième génération, ça arrive aussi des dégâts importants. Et alors sur les populations, c'est un peu étonnant d'entendre l'Organisation mondiale de la santé dire les seuils n'ont pas été dépassés pour entraîner des risques de cancer chez les Japonais. La question des conséquences sanitaires, c'est aussi terrifiant puisque on constate déjà 196 personnes, des enfants, qui ont été examinées, qui ont été défini comme cancer de thyroïde, soit douteux ou tout à fait vrai cancer de thyroïde. Donc ces personnes, parmi 196, il y en a déjà 161 enfants qui ont été opérés. Donc la situation sanitaire, ce n'est pas seulement cancer, mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont provoquées par la radioactivité. On les connaît depuis Tchernobyl, mais on n'en parle pas. Comme si il n'y a que le cancer de thyroïde qu'il faut faire attention, mais même sur ça, les autorités, ils refusent de reconnaître. Donc c'est déjà catastrophique sur la question de prévention par rapport à la radioactivité. Et puis, l'organisation internationale, en complicité avec le gouvernement japonais actuel pro-nucléaire, essaye de minimiser, voire nier complètement la causalité entre leurs conséquences sanitaires et la radioactivité. Ça, c'est donc même l'Organisation mondiale de la santé, ils sont pro-nucléaire. Ils ne sont pas 100% indépendants face à ces conséquences sanitaires qui viennent de nucléaire. Ils sont un peu complices avec l'AIUA, qui est une organisation donc, internationale sous l'égide de Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ils sont liés directement avec Conseil de sécurité, qui sont des membres de 5 pays nucléarisés, n'est-ce pas? Donc ils sont pour la promotion de nucléaire civil, mais en même temps, ils se protègent aussi avec leur nucléaire militaire. Donc, ils ne veulent pas qu'on dise que le nucléaire fasse mal sur la santé, sur la vie de humain, mais ils continuent donc faire une promotion de minimisation, négation, voire actuellement un certain nombre de dirigeants responsables d'organisations internationales ou ceux qui sont liés, des experts japonais qui disent que moins de 100 000 civils par an, on n'aura pas de grands risques civils. C'est le niveau de unité de mesure de la radioactivité. Quand on dit la situation, disons, avec le fond naturel de l'environnement, dans le cas de la France, on dit 0,1. Si ça dépasse, c'est pas normal. C'est ce que CRIRAD disent. Tandis qu'au Japon, c'est encore moins. Avant Fukushima, par exemple, à Tokyo, c'était 0,007 microsieverts. Tandis que maintenant, ça dépasse facilement 0,1, donc des fois 0,2, 0,3, des fois 2,3 microsieverts, des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire c'est des normes, ce qu'on appelle les normes sociotechniques, qui sont définies à la fois par des scientifiques, mais en lien avec des politiques. Et, oui. Et c'est vrai qu'on voit sur plusieurs cas comme ça de contamination, ces taux tout à coup augmentent. Donc la norme entre 1 et 20 millisieverts par an était acceptée par les autorités japonaises, comme les organisations internationales disent et préconisent. Donc, ils disent jusqu'à 20 millisieverts, c'est autorisé en cas d'accident majeur pendant la période d'urgence. Alors, on dit que si c'est moins de 20 millisieverts, vous pouvez revenir dans la zone contaminée. Donc, ce qui est le cas donc, des habitants de Fukushima, il y a des habitants qui sont revenus ? Le gouvernement et le département de Fukushima essayent de faire revenir dans les zones contaminées puisque ça coûte l'argent. C'est une question évidemment économique. Si on doit évacuer une masse de population, ça coûte cher. Combien de personnes ont été déplacées ? Actuellement, il y a encore 120 000 personnes qui sont déplacées encore. Dans 120 000 personnes, on ne comptabilise pas des gens qui sont partis volontairement. Et dans le département de Fukushima, il y a 2 millions d'habitants, dont 120 000 personnes ont été déplacées. Alors, la question de la contamination, ce n'est pas seulement le département de Fukushima. Il y a aussi Miyagi, il y a aussi Chiba, y compris Tokyo. Tokyo est aussi contaminé. Évidemment, faiblement, mais on est contaminé. Mais malgré tout, le gouvernement japonais a décidé de faire les Jeux Olympiques dans 2 ans, 2020. Et puis, il essaye de terminer toutes les zones d'évacuation, sauf évidemment la plus contaminée. Du coup, il y a eu quand même des changements donc, dans les mentalités. Et il y a notamment Naoto Kan, l'ancien premier ministre à l'époque de l'accident de Fukushima du Japon, qui aujourd'hui a vraiment changé d'opinion sur le nucléaire et se fait un peu le porte-parole de cette catastrophe. Et finalement est en train aujourd'hui de dire « il faut arrêter le nucléaire, on ne peut pas maîtriser le risque, il faut passer aux énergies renouvelables ». Et vous donc, Colleen Kobayashi, en tant que journaliste japonais, vous avez organisé sa venue en Europe pour porter cette voix très peu entendue des grands médias européens, comme quoi il faut arrêter le nucléaire. Son témoignage est très important puisque, de toute façon, sur notre terre, il n'y a que 2 accidents majeurs dans le cas de nucléaire civil, c'est Tchernobyl et puis Fukushima. On peut évidemment ajouter Three Mile Island. Le reste, il y a d'autres accidents majeurs catastrophiques comme Mayak dans des sites militaires nucléaires. Mais si on parle de nucléaire civil, il n'y a que Gorbatchev et Naoto Kan qui ont expérimenté réellement en tant que chef de l'État gérer la situation post-accidentelle. Tous les deux, ils croyaient sûrement la capacité technologique très avancée de nucléaire, n'ont jamais pensé d'avoir un accident majeur tel que Tchernobyl ou Fukushima. Quant à Naoto Kan, pendant que je voyageais avec lui, on a beaucoup parlé, j'ai compris. Donc lui, il pensait évidemment, comme tous les autres anciens premiers ministres, il croyait réellement la technologie très avancée, il était plutôt fier de pouvoir faire ce développement de haute technologie, c'est vrai, c'est haute technologie, mais quand il a vraiment expérimenté 5 premiers jours, au moment où ça a été déclenché, jusqu'à 5e jour, il a bien compris que c'est impossible à gérer dès qu'il y a un accident majeur. Il n'y a qu'à subir les conséquences. Et il n'y a aucun moyen de maîtriser ou gérer, confiner complètement dès qu'il y a que ça pète. Donc, cette catastrophe lui a fait comprendre, des fois, il était obligé, presque obligé, de faire un projet d'évacuer 20 millions de personnes jusqu'à la population de Tokyo, de Fukushima, jusqu'à 240 km. Il fallait évacuer. Dans le pire cas de la continuation de cette catastrophe, si jamais tous les 4 réacteurs y compris des piscines contenant 1500 lots de combustible irradié. Si ça se pète, il fallait évacuer vraiment une grande masse de population. Quand il a eu ce rapport donné par le responsable de la sûreté nucléaire japonaise, il était complètement choqué et il était complètement affolé, ça dépassait complètement sa conscience. Donc depuis, il a compris que finalement, les hommes, les humains, ils font toujours des bêtises et même s'il n'y a pas de tsunami ou de tremblement de terre, comme Tchernobyl, comme Three Island, ils ont fait un test. Ils avaient des réacteurs neufs qui fonctionnaient très bien, mais ce sont des bêtises humaines, erreurs humaines qui amènent à une grande catastrophe. Et puis une fois ça arrive, on ne peut plus maîtriser. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter cette technologie, puisque dès qu'il y a une catastrophe, on ne peut pas maîtriser. Et puis le risque est trop grand par rapport à tous les risques qu'on doit assumer dans la vie de la société moderne. Fukushima, mon amour, tes vertes prairies, tes longs cours, tes vallées boisées, tes villages abandonnés me rendent fou de rage, fou de rage. Fukushima, tes beaux jours sont derrière toi pour toujours. Tu vas garder une odeur à tout jamais, cette plaie sur ton corps. Sortons, sortons de cette folie. Sortons, sortons dès aujourd'hui. Donc Naoto Kan, cet ancien premier ministre du Japon au moment de l'accident nucléaire de Fukushima, a été rencontré en Europe des dirigeants actuels pour porter ce message et pour essayer de faire évoluer les politiques énergétiques pro-nucléaires comme on a en France. En France, on est quand même parmi les champions. Hein. Oui, oui, oui, tout à fait. Lui, il a été déjà invité en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Et cette fois-ci, donc, en France, il a été invité aussi au Parlement européen pour faire une conférence et puis pour faire un symposium avec des élus européens pour discuter, pour montrer ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement à Fukushima. Et puis, je crois que la majorité des gens qui l'ont écouté, tout à fait, ils étaient tout à fait d'accord avec lui. Alors donc, vous êtes plutôt optimiste, Kaoline Kobayashi. Vous pensez qu'on aurait appris de cet accident de Fukushima et qu'il y a un espoir qu'on réduise la part du nucléaire, voire qu'on l'arrête relativement bientôt? C'est-à-dire que pour qu'on se mette dans ce chemin pour sortir de nucléaire, il faudrait pouvoir avoir des véritables informations. Que ce soit la contamination, que ce soit la dégradation environnementale, que ce soit sur les aliments. Ou sur le coût aussi, parce qu'on peut parler du coût du nucléaire, notamment là en France, on va rentrer dans une phase de démantèlement. Mais là, quand on voit le coût de l'accident de Fukushima, c'est plus de 200 milliards d'euros. Voilà, c'est ça. Donc c'est astronomique. Hein. Il faut avoir un budget colossal. Même les frais de décontamination que les Japonais avaient fait depuis 7 ans, c'est colossal, mais efficacité, c'est vraiment très peu. Donc, en réalité, actuellement, le Japon se pratique un double standard. Une partie de la région, on applique un millisievert par an, et puis la région contaminée, on laisse traîner avec 20 millisieverts par an. Donc un double standard qui ne sont pas acceptables. De radioactivité acceptée sur le territoire. Mais du coup, comment fait le Japon si la plupart de ses réacteurs nucléaires n'ont pas été relancés suite à l'accident? Comment fait le Japon aujourd'hui pour produire son énergie, son électricité? Bah, de toute façon, dans les premières années, toutes les centrales nucléaires étaient en arrêt. Hein, et l'économie japonaise n'a pas été basculée dans le chaos. La société japonaise continue. C'est vrai que beaucoup de Japonais, ils ont compris qu'il faut faire une économie d'énergie. Donc, ils ont fait des démarches, y compris toutes les entreprises, n'est-ce pas? Ils ont économisé énormément d'usage électrique, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont compris que sans les centrales nucléaires, nous avons pu comment surmonter la difficulté de la manque d'électricité nucléaire, puisque pendant longtemps, 3-4 ans, on a vécu avec tous les autres moyens, soit des barrages, soit des productions conventionnelles de gaz et de charbon. Mais en attendant, il y a un développement de production de l'énergie renouvelable, ça a été relancé beaucoup depuis 7 ans, ça commence à dépasser 10%. Et puis il y a une tendance donc évidemment de relancer vers cette direction avec toutes les libéralisations de la production, surtout de transfert d'électricité. Ça a été libéralisé, donc on a maintenant le moyen de produire avec l'énergie renouvelable et puis de mettre dans les réseaux de courant. Donc que chaque maison, chaque personne puisse participer à la production. D'accord, ce n'était pas le cas avant l'incident non. De Fukushima. C'est d'ailleurs Naoto Kan qui a réussi avant sa démission de passer cette nouvelle loi qui autorise à connecter des réseaux différents que ceux qui sont dominants. Donc la question actuelle, ce qui est important d'informer aux Français, aux Européens, c'est que l'actuel gouvernement Abe, il est en grande difficulté politique. Ça ne peut pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Si éventuellement les élections anticipées seront provoquées, le nouveau parti démocrate constitutionnel pourrait faire une campagne suffisamment puissante et forte. C'est un parti de Naoto Kan, un des premiers partis d'opposition, qui pourrait donc apporter l'argument solide concernant la sortie du nucléaire, surtout en urgence, puisqu'il y a beaucoup de séismes qui peuvent arriver encore. Certains nombres de sismologues préviennent qu'il pourrait avoir aussi un grand séisme du sud de Tokyo. C'est pour ça qu'il y a une urgence au Japon d'arrêter dans les meilleurs délais, d'arrêter jusqu'à zéro d'usage de centrales nucléaires. Je crois qu'il y a un nouveau horizon qui pourrait s'ouvrir vers un autre système de production électrique, vers une autre démarche démocratique, sociale, économique, et environnementale et énergétique. D'accord. Donc ça, au Japon, et du coup, avec toutes les répercussions que ça pourrait avoir comme exemple d'une grande nation, d'un grand pays comme le Japon, pour les autres pays. Donc finalement, un espoir de voir le nucléaire se réduire. Bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, Naoto Kan est venu en Europe. Ce n'est pas pour dire simplement à la population japonaise d'arrêter le nucléaire, mais aussi il faut que tout dans le monde entier, il faut qu'on arrive à arrêter la production nucléaire. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. Thank you.